partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on va commencer l'émission avec un avant-goût du prochain album de Kimmo Porsti. Pour ceux qui sont familiers avec The Samurai of Prague, cette formation, j'ai quasiment le goût de dire collectif, formation ou collectif international, mais basé en Finlande, enfin pour deux des membres de ce trio, de ce noyau, je devrais dire même. Donc, Kimmo Porsti, qui a présenté un second album sous son nom, en Wayfarer, en 2020, nous arrive maintenant avec, ben, va nous arriver en septembre prochain avec Past and Present, un album qui, encore une fois, réunit de très nombreux musiciens. Et puis, on aura Marco Bernard à la basse, un complice, c'est pas une surprise, un complice de Samurai of Prague. Et puis, on va rester en Scandinavie avec Mythopoeic Mind, le second album du saxophoniste Stenar Borv de Panzer Papa. Et puis, Marc, je pense qu'après ça, ben, on va faire un tour du côté de l'Angleterre et de l'Italie. Oui, avec une belle nouveauté. On a d'abord Big Big Train, tiré de leur nouvel album qui va paraître dans deux semaines, Common Ground. On aura la pièce titre de cet album. Et Big Big Train qui se passe un peu de présentation. Ils sont quand même rendus à leur 13e album. Alors, ça sera suivi d'une belle nouveauté italienne, Ske. Ça vient tout juste de sortir. C'est le projet de Paolo Ske Botta de Not a Good Sign et de Jugen. Le claviériste, donc. Et il y a de très nombreux invités sur ça, dont Lars Frédéric Voisley de Wobbler et Nicolas Nikopoulos de Cicada. Il y a 25 musiciens en tout. Alors, ça promet. Mais tout d'abord, on aura Mythopoeic Mind et on débute avec Kimmo Porsti. Thank you.

hillside, looking over fields, close to you, shoulder to shoulder. Made a promise that we're going to keep, to be together as we grow older, beneath the moon and the sky. Chalk dust from our shoes. Old enough to know what we really need, and all we can do now. Beneath the moon and the stars, we feel the waxing away. Take a stand. CKRL. Communication. Communication. Communication. Culture. Culture. Culture. Culture. Culture. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Je vous parlais tout à l'heure de Metopic Mind de Norvège et on aura encore pour le second bloc, la première pièce, on aura encore une formation de la Norvège, décidément un pays qui est très fertile depuis, on pourrait peut-être dire 5 ou 6 ans. La Norvège a peut-être pris un peu la place de la Suède, c'est un peu l'équivalent de la Suède des années 90, ça va rappeler sûrement de bons souvenirs à tous, mais là c'est en Norvège que vraiment la scène musicale est en pleine effervescence, enfin je présume que c'est le cas pour autre chose que le rock progressif aussi en Norvège, mais le rock progressif est décidément très bien représenté depuis plusieurs années. Et puis, ben, on a une jeune formation justement ce soir, Auric Gloom, de leur second album Afterthought. Et puis, ben, on va rester en Scandinavie avec le premier essai d'une formation finlandaise qui a pour nom, je vais essayer de le dire du mieux que je peux, Vesilinja. Vesilinja. Album éponyme qui est paru en vinyle, version vinyle en juin dernier, et puis un peu plus tard en version téléchargement. Malheureusement, il n'y a pas de CD. Une tendance, on pourrait dire, contemporaine. Et puis, Marc, après, ben, je sais qu'on va faire un tour du côté de l'Italie et du Japon. Oui, ce sera la formation italienne Avocado Moon Experiment, qui est un projet débuté à Turin en 2016, qui est une espèce d'opéra rock progressif metal de science-fiction. Et leur premier album qui a pour titre Daryl's Journey 2116. On aura la pièce Innocence et ce sera suivi de la formation japonaise Kansai Progressive Rock Orchestra, tiré de leur premier album, paru en décembre 2020. Et ce sera la pièce Rebels. Mais tout d'abord, les formations Vesilinja. Et on y va tout de suite en musique avec la formation Auric Gloom. I tried to walk away.

tekee toinen ja minä kuljen minne tahtoon. Bye. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel et Marc. Pour ce troisième bloc musical, on aura la formation américaine de T-Club, tirée de leur second album, Rabbit. Je me souviens qu'ils sont venus nous visiter au festival Terra Incognita en 2013. À cette édition-là, il y avait Il Castello di Atlante, The Flower Kings, Fido, RPVL. C'était vraiment incroyable. Puis j'avais vraiment accroché sur ce groupe-là. Puis j'ai revisité récemment cet album-là avec la pièce The Night I Killed Steve Shelley. Ce sera suivi de la formation norvégienne White Willow, tirée de leur cinquième album Signal to Noise. Ça faisait longtemps que j'avais écouté ça. On ira la pièce Ghost, mais pour débuter le bloc, une formation, Michel, que t'aimes beaucoup, Sanguine Home. Ouais, bon, écoute, c'est vrai que ça va être assez difficile pour moi de dire le contraire. Je pense qu'au nombre de fois que j'ai pu dire que Sanguine Home était ma formation britannique préférée, il n'y avait pas beaucoup de nuances, là, mettons. C'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup et c'est un groupe que je suis depuis le début des années 2000, alors que des musiciens du groupe œuvraient sous le nom de Antique Seeking Nuns. Ça va peut-être dire quelque chose à certains. Le groupe a présenté 3 EP. C'est des disques qui ont environ une vingtaine de minutes chacun. Le premier paru en 2003, c'est Mild Profundities. En 2006, le groupe est revenu avec Double Egg with Chips and Beans. Et en 2009, Careful It's Tepid. Et puis, ben, comme je disais tantôt, oui, c'est probablement un de mes groupes préférés. Je suis plus nuancé maintenant qu'à une certaine époque où je ne jurais que par Sanguine Home. Et ben, tu me parlais tantôt aussi de White Willow, le cinquième album. Et puis, écoute, c'est vrai, je l'ai réécouté dernièrement, ben, suite à ta suggestion. Et je pense que je l'aime plus qu'à l'époque où est-ce qu'il est paru. Je pourrais pas expliquer pourquoi, mais c'est le cas. Et puis, ben là, écoute, là, tu me parles de T-Club, et j'ai des beaux souvenirs, là, surtout du concert improvisé qui s'est rajouté le lundi après-midi pour ouvrir pour RPVL. Les gars étaient tellement enthousiastes. Ils étaient supposés partir pour les États-Unis le lundi, et puis finalement, ils sont restés, ils ont assuré, et mon Dieu, quel beau souvenir! Oui, je le sais, là, je me sens un peu nostalgique, mais écoutez, je t'écoutais tantôt de mentionner tous les groupes qu'on avait reçus cette année-là. Je me dis, on va sûrement revivre ça un jour. Oui, monsieur. Mais en attendant, on va écouter Sanguine Home, un extrait de A Trace of Memory, paru en 2020. Shape on the ground. Thank you. Keep my mouth shut. la vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on ira avec deux albums parus en 2010 qui ont été des coups de cœur dans cette décennie-là pour moi. Les formations Sky Architect et l'album Excavations of the Mind et également Il Tempio delle Clessidre, tiré du premier album Il Tempio delle Clessidre. On aura les pièces The Great Legend et A Centro Sottile, respectivement ces deux formations. Michel, on a eu la chance de voir ces deux groupes-là, puis ça a été vraiment, ça reste gravé dans nos mémoires. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, moi aussi, ces deux albums-là ont été des coups de cœur de cette année-là. Et même, j'ai d'ailleurs invité Sky Architect à venir se produire dans le cadre du festival Terra Incognita. C'est 6 mois plus tard, je pense, après l'apparition de l'album. C'était en mai 2011 et j'ai des beaux souvenirs de... J'avais mis le Sky Architect en contact avec Rhys March et il avait répété à distance avant d'arriver au festival. Il avait répété des pièces de Rhys March pour que Sky Architect puisse rejoindre sur scène Rhys March. C'était des beaux moments. Et puis, ben, Il Tempio, écoute, c'était une très belle surprise, cet album, avec comme chanteur Stefano Galifi de Museo Reisenbach. Donc, effectivement, deux belles découvertes en 2010. Et donc, on écoute Sky Architect, Excavation of the Mind.

giorno. Thank you. l'anima perdo in questa notte. Nella ricerca il centro. Ce soir, on va conclure l'émission avec un extrait de l'album L'Infinito de la légendaire formation italienne Liorme, un album paru en 2004 et puis un album qui malheureusement a été le dernier album auquel a contribué le chanteur Aldo Tagliapietra. Donc 2004, le groupe est revenu 7 ans plus tard avec la Via della Seta, mais cette fois avec le chanteur Jimmy Spitaleri de Metamorfosi. Et puis, ben écoutez, c'est ça, on vous quitte avec Liorme l'Infinito. Et je vous rappelle que l'autoroute suit dans quelques instants et, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Rendez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, et bonne nuit à l'écoute de CKRL.